Il va venir déjà ou quoi? Oh, là oui, pourquoi tu ne viendrais pas? On s'entend comme lui qu'un réveil dans le vent, ça dure tard, on est inquiet. Puis c'est quoi qu'il a fait, ça? Mais il a l'air tout écouessé. Eh, j'ai ça remarqué aussi, il est mal à sa guise. Tant mieux qu'il n'aille pas postuler ailleurs. Oh, il est trop vieux. Il est là, il va avec les deux. On se demande toujours. Hein? Ah, ben ça, c'est dommage, parce que c'est un rude bonhomme. Je te garantis qu'on est bien tombé. Je ne sais pas comment il se retourne, mais on ne lui connaît pas d'ennemi. Même avec le ministre, il se consentiment, c'est tout dire. Ouais, faut pas te tourner lui, sans que c'est ce temps, cette mouillasse. Ça l'aura un papa dit. Comme quoi, dans la vie, on n'est jamais sûr de rien. Voilà un gaillard qui est bon vivant, ça y a rien à dire. Il fait voir la petite bouffe. C'est comme il disait à la femme au ministre un jour qu'il y a pas un verre de vin. Et puis naturellement, elle avait que du rouge d'épicerie pour la cuisine. Elle a point de vin, les vins. Est-ce que vous buvez le rouge, Philippe? Vous ne direz pas moi, j'aime mieux un verre de rouge que point de blanc. Ah, bon vivant. Et puis garçon, enfin tout, quoi. Une paye fixe. Ça n'empêche pas d'avoir ses moments de noir. Le monde est ainsi fait. Ah, voilà. Bonsoir, messieurs. Justement, en cause de vous. Oh, la diable. Vous me semblez bien que je n'avais pas la conscience tranquille. Eh bien, c'est ce qui vous tente. On en causait un bien. Ah, je vois bien que je ne suis pas le seul à gauger la grippe. Si vous vous mettez à être bienveillant. Le syndic me disait, je voudrais bien savoir où il achète ses chapeaux. Mes chapeaux? Pourquoi faire? Eh, parce qu'il me disait, je voudrais bien avoir un comme lui, pour être aussi intelligent. Eh bien, je vous en traiterai un vieux quand vous irez au Grand Conseil. Mais ne vous faites pas trop d'illusions, vous savez, ça ne fait pas effet tout de suite. Est-ce que les caves seraient déjà sorties par le bas du village? Il arriverait vite piquant, le recherche. Bon, qu'est-ce que vous jouez, c'est ça? Vous avez ces airs à 2 heures. Moi? Mais rien. Oh, oui, que oui. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Peut-être bien. Enfin, comment vous expliquer ça? Écoutez, Caviste, quand la vigne gèle au printemps, il ne reste rien. Ah, mais alors là, rien du tout. Eh bien, quel est le moment le plus triste de l'année? On ne peut pas dire ça d'un coup. Bien avant le moment où ça gèle. En tout cas, la saignée de printemps, moi j'en ai froid dans le dos. Et puis, il y a aussi la vendange. Je crois bien que c'est encore l'époque de la vendange qui est la plus morose. L'imagination courante, on se rappelle ces puissantes récoltes comme il y a des fois, et puis ça donne du noir. C'est exactement ce que je pense, et c'est ce que je voulais vous faire dire. Eh bien, pour nous autres régents, la vendange, c'est le printemps. Oui, les examens, la visite, quoi. Et puis ces volées qui nous quittent en nous montrant bien qu'elles sont contentes de ne plus jamais avoir affaire à nous. Ah, la vendange est mauvaise cette année. Cette année, bon, pas plus que d'habitude. Dans notre métier, il y a du gel et de la grêle toutes les années. C'est encourageant. Ah, c'est pas moi qui suis décourageant. C'est tout simplement de s'apercevoir qu'on a travaillé pendant 28 ans dans un métier et de se demander si ça a servi à quelque chose. Mais, Réjean, vous êtes terrible. Mais non. Tenez, ce matin, j'ai fait faire à mes gosses, enfin ceux qui vont sortir, histoire de voir, une vieille dictée d'examen. Une d'il y a 20 ans. Enfin, elle ressemble comme une sœur à celle que l'on fait maintenant. Oui, les mêmes bêtises, les mêmes fautes, bref. Et surtout, les mêmes fautes. Ni plus, ni moins de fautes. Des choses que ces jeunes gens ont entendues pendant 10 ans. Oui, oui, 10 ans. Et ça n'est pas entré. Rien à faire. Mais alors, si un chansonnier parisien lance un mot d'argot à la radio, alors, le lendemain, tout le village l'emploie. Parce qu'alors ça entre. En sorte que, tout compte fait, vous vous demandez si vous n'auriez pas eu meilleur de vous faire chansonnier. Et pourquoi pas? J'aurais en tout cas gagné plus d'argent. Et puis surtout, j'aurais su ce que je faisais. Quand un chansonnier fait bien son métier, les spectateurs rient, ou pleurent. Enfin, réagir. Ouais. Tandis que nous, passer notre vie devant ces gosses qui... Oui, après, qui s'en foutent. Mais oui, il n'y a pas d'autre mot. Qui vous battent contre, qui ricanent, qui se payent votre tête. Et on fera ce qu'on voudra. Tenez, j'avais essayé de les intéresser avec des sons un peu spéciales, avec des projections lumineuses. Oui, j'ai été chercher un appareil à Lausanne. J'ai choisi des diapositives et préparé ce que je pouvais leur dire. La parole, j'avais fini par croire que j'allais avoir le grand honneur de capter leur attention. Imbécile. Ils ont profité de l'obscurité pour faire une pipe. Ils se passaient de l'un à l'autre. Quand j'ai rallumé brusquement, parce que ça puait la fumée, c'était la fille à Gauthier qui avait la pipe au bec. Et il riait. Il riait. Évidemment, c'est pas tant encourageant. Oh, bon, tu fais. Mais au moment des examens, plus je vieillis, plus ça me reprend. Oh, vous voyez tout en noir, c'est ça. Regardez-nous, hein. Nous, le caviste et moi, voyons. Hein. On est quand même des crânes lulus, ou quoi, hein? On ne vous dit pas le contraire. Eh ben, on a aussi été à l'école et on ne valait pas mieux que les autres. Précisément. Mais croyez-vous vraiment que c'est parce que vous avez été à l'école que vous êtes devenu de ces crânes lulus? Ça a quand même bien servi, ça, mais... Dommage seulement qu'il ne faut pas y arriver à votre âge pour le reconnaître. Ah, voyez-vous, les gens, vous travaillez un peu comme nous des années qu'il y a. On fait de ces petits vins qui n'ont l'air de rien du tout. On les méprise, ces petits vins. Et puis on sent qu'il y a quand même une rangée de bouteilles dans un coin de la cave. Et puis alors, 3 ans plus tard, on va les renifler un peu, par curiosité, et on s'aperçoit qu'ils ont profité de la bouteille, mais quelque chose d'extra. On les avait mal jugés, parce qu'ils étaient un peu brusques à l'adolescence, et puis qui se sont fait à rendre des points aux années classées. Ah, sans compter qu'à cause de la prévue, ça fait double plaisir. Parfaitement. Oh là là, regarde, faites pas cette pote. Ça va gâter le temps. Oui, avec cette sécheresse persistante, comme ils disent. Oh, ils sont prudents. Voilà, là, le voilà qui reprend des couleurs. Allez, santé, regarde. Conservation. À votre bonne santé, messieurs. Eh bien, je crois bien que ça doit être le temps qui donne du noir au monde. Ça expliquera en tout cas l'aventure qui vient d'arriver au vétérinaire de Groupe. Ah, quelle... T'as pensé? Oh, alors tout le monde en rit dans le district. Oh, c'est-à-dire qu'il y en est arrivé quelques-unes. C'est un taille. Ouais, tout le jour le nez dans l'eau. Il parle de ses raguillés, il faut ramener. Oh, et alors, sa dernière? Eh bien, justement, il rentre de tourner. Il avait joliment picolé de ci, de là. Entre parenthèses, c'en est un qui a de la chance d'avoir une auto qui connaît la route. J'ai l'impression que pour les contours, il ne s'en mêle plus à partir de 6 heures du soir. Le fait est qu'il n'a jamais eu ébréché personne. Heureusement, ça s'en aurait dû y faire une prise de sang. Et ça aurait donné comme il y a un père de moi. On va se raconter un conseil. Paraît qu'un jour, une grosse nuque de par Lausanne qui rentre de Genève, un peu remué par la soif et ses conséquences, a cupessé contre une borne. Naturellement, gendarmerie est forcément en prise de sang. On te met son sang dans une petite fiole et puis on l'envoie au laboratoire cantonal. Avec le lendemain, le laboratoire appelle au téléphone la gendarmerie et leur dit « Dites-le voir, qu'est-ce que vous avez foutu mâché avec cet échantillon que vous nous avez envoyé hier au soir ?»« Quel échantillon ?»« Ouais, cet échantillon de vin. » Il serait encore assez pur, mais il y a des traces de sang dedans. Oh, affreux! Affreux! Ben, c'est comme l'autre qui suit son lit de mort. Se recommandait pourtant l'enfer. Surtout, je veux pas être brûlé, qu'il disait. Et pourquoi qu'il disait sa femme? Ça fait plus propre. Ouais, non! Ça risquerait de donner de la résinée. Vous êtes optimiste ce soir. Et votre vétérinaire, dites-donc. Oh, diable, oui. Oh, je l'oubliais, celui-là. Le fait est donc qu'il se ramène à gros sang. Seulement là, c'est son auto qui a joué à tout. Oui. Ça vient il de ce qu'il mette de l'alcool dans la benzine? N'en sais rien. Le fait est que l'auto se met à faire la folle et puis s'arrête droit devant le cimetière. Non, non, non, notre vétérinaire n'y voit que du sol. Il sort de l'automne, il le voit, puis il se met à se gnasser après le portail du cimetière. Vous voyez ce que c'est, quoi. Il a une villa, ça fait que portail, que portail. Il n'y regardait pas de si Et alors? Eh bien, c'était fermé, et puis ça clésantait pas, comme de juste. Ça fait que le voilà qui se met à crier. Hélène! Allô, Hélène! Qu'est-ce que tu attends, viens mourir? Comme de vous. Après que mon vétérinaire menaçait le ratou au bout d'un moment, deux qui étaient en train de fréquenter derrière le mur. C'est commode, il y a un coup et un peu le brancard, on est à l'abri. Enfin bref. Il s'approche et puis voyant de quoi il retournait, l'homme y fait. Mais voyons, monsieur le vétérinaire, il ne faut pas crier comme ça, elle n'est pas encore là, votre dame. Comment est-ce encore là? Qu'est-ce qu'il attend? Oh, mamie, ceci raison. En tout cas, ce soir, elle est au comité de couture, dans le cas qu'elle soit encore en train de s'abousser. Non, copine vétérinaire. Dans ce cas, je m'avais cherché moyen de boire un verre en attendant. Et le voilà qui ramène son bassin, et les deux qui l'entendent qui mouronnent. C'est quand même commode, les femmes. Ça n'est jamais voulu de se tenir là où on devrait être. Ah, je ne croyais pas si bien dire. Veux-tu bien te taire, malhonnête? Ouais, on ne se pose pas en général. Ouais, non, je parle du héros d'histoire, ça. La connais, la femme? Ouais, de nom et de renom. Pareil que quand elle écosse des petits pois, elle les gorille. Hein, il lui faut un tantôt entier pour en écosser un kilo. Faut croire que c'était un soir où il n'avait pas mis ses bottes. À ce qui paraît, il prétend que quand il n'est pas en botte, il est mal à l'aise pour boire. Il ne se sent pas assez d'assiette. Voilà un argument auquel n'ont pas pensé ceux qui parlent de supprimer la cavalerie. On devrait s'écrire à ces messieurs de Berne. Ouais, pour ça, les ébranlerait même pas. Ils ont un parti pris. Voyez-vous? Oh, mais alors, ça coule de source. Voyons, reste là, allez. Vous qui êtes de bonne foi. S'ils avaient des arguments valables, on ne dirait pas. Mais quand ils viennent nous dire qu'ils suppriment la cavalerie parce qu'elle ne sert plus à rien... Et vous n'êtes pas d'accord qu'on veuille continuer à servir quelque chose? Ah, ça, j'en sais rien. La prochaine fois que je rencontrerai M. Montgomery, j'y demanderai son avis. Mais enfin, même en supposant que ça soit vrai et que véritablement la cavalerie ne serve à rien... Mais c'est vraiment une raison pour la supprimer. Bien dit. Si on se mettait à supprimer comme ça d'un trait de plume tout ce qui est inutile, j'en connais joliment qui branlent en marche. J'arrête, ça me fait penser que j'ai justement reçu ce tantôt une circulaire du contrôle des prix. Dieu sait où je l'ai mis. Vous avez une drôle d'association d'idées. Ça vient des fois comme ça, on ne sait pas pourquoi, un mot en appelle un autre. Ah, ça oui, tenez, tantôt, je pensais ici à la fête. Il faisait Bordeaux, Bordienne, il y avait le Goethe, Bismarck et puis Babolet. Bon, c'est qu'ils étaient à leur heure. À peine s'ils ont levé la tête pour me saluer. Ben, je sais pas à quoi ça tient, mais j'ai écouté la radio qui ronronnait dans son coin tout seul. Et puis ces trois gaillards à cafaler qui ne l'écoutaient pas, un lisait, l'autre dormotait. Enfin bref, je me suis dit brusquement, voyons. Est-ce qu'il n'y a pas six jours session du Conseil national? Mais comme je disais, des choses qui n'ont aucun rapport, ma femme. Ça nous gicle à la tête. Il m'en est arrivé une semblable l'autre jour, oui. J'étais à Lausanne et j'ai rencontré un ancien collègue qui a bien tourné. Il a épousé une femme qui avait des sous et il a monté un commerce. Actuellement, une vie de ses rentes, bon, en fait, un peu près. Eh bien, pendant le quart d'heure que je lui ai causé, il n'a pas arrêté de se plaindre. Ses impôts, les rhumatismes, tout et tout. Et alors? Eh bien, toujours en vertu de ces associations mystérieuses, j'ai pensé à vous. Au caviste. Ah ben, vous, de manière générale. Au caviste, au village. Poison de raisin. C'est toi, ça m'explique qu'il est pur et ses garçons comme il est. Je te parie que le soir à la maison, quand il ne sait pas que faire, il se met contre sa glace puis se grille des noms. Enfin, des milliers de raisons, quoi. Enfin, il fait de la compagnie. Quand il est de la même humeur que ce soir, ça doit faire un joli vacarme. Mais je ne sais pas si ça fait le même plaisir. Quand on doit faire même la demande et la réponse, je crois que c'est quand même plus sûr de se tenir une femme pour en modeler la niaise. Ou alors faire comme ce belge que les journaux en ont causé. Quel belge? Oh, ben, ça a bien salut. Ça a passé dans tous les papiers. Ce gaillard que quand il rentrait avec le torgnol, et puis que sa femme, il trouvait à redire... Il ne faisait ni une ni deux. Il enfermait sa femme dans le boisson et puis s'installe à la cuisine avec le cochon. Manière comme une autre de se regarder dans la glace, comme le reste. Ça a changé de gros humain. En tout cas, c'est un mal appris, ouais. Des manières comme ça, c'est quand même mal fait pour le cochon. Il devait être en rue des poirées dans cette cuisine face à ce soulard. Probable que c'est pour ça que la police est intervenue. Non, ça sera la protection des animaux qui l'aura alerté. Respect, avec ceux qui maltraitent les bêtes, on devrait être impitoyable. Et les femmes? Oh, bien sûr, c'était pas ultra gentil non plus. Ouais. Mais enfin, pour ce sujet, il faudrait quand même savoir le commencement de l'affaire. Et elle avait quand même dû le provoquer. Et puis enfin, un qui a bu, hein, il n'est pas responsable. Et je vous parie que le lendemain, il devait être joliment motte. Bah, ne t'inquiète. D'une manière ou d'une autre, la femme devait bien avoir un moyen de se revancher. C'est pas l'embarras. quoi qu'il en soit, Réjean, vous pouvez faire ce que vous voulez devant votre miroir. Mais en société, je vous conseille d'être plus poli. Et le béaba de la politesse, c'est qu'on ne se moque que des autres, jamais de ceux qui sont là. La politesse, vous devriez ça connaître, vous. Ça n'est-il pas au programme de l'école? Que oui, mais le régent, il est comme les poteaux indicateurs. Il donne la direction, mais il n'accompagne pas. Là, n'empêche que ces choses qu'on dit, ça me donne un tour. Mais quoi encore? Je pense à ce cochon à la cuisine. Ça me fait penser à ta femme, là, quand tu lis ta feuille d'avis. Je me demande si elle te trouve tant jolie que ça, regarde. Ah oui, c'est vrai, ça. On ne pense pas assez à ça. C'est que les autres vous regardent aussi. C'est dis-toi, Réjean, le syndic, est-ce que vous le trouvez si pouet que ça? Moi, vous savez, je ne suis pas très difficile. Et moi? Franchement. Relève-toi, Carvis. Essaye-moi de t'imaginer la tête que tu ferais le soir où la Louise te dirait « Va-t'en, va te cacher. Je peux plus supporter cette treuille en face de moi. Ça me salit toute ma cuisine. Hein? Tu serais joliment carrefour et ça te rabattrait le caquet, mais ta vie. Alors seulement, vois-tu, c'est justement en disant que tu me rassures. Parce que ma femme, elle a ses défauts, bien sûr. Mais c'est plutôt rare qu'elle me demande de m'en aller. Elle tient joliment à moi, oui bien. Et quand j'ai passé la soirée à la thèse, j'ai comme tu dirais l'impression que je lui ai manqué. En es-tu sûr? Oui, tant que possible. Sans quoi je ne m'expliquerai pas le zèle qu'elle met à me compter les journées. En somme, les hommes mariés, ce qui vous gêne, c'est que vous êtes trop aimable. On ne peut pas se passer de vous, charrette. Quel charme on doit avoir, hein? Oui, ma foi, on nous cocole. Avec une telle constance qu'on finira par croire qu'on le mérite. On viendrait même vite douiller. c'est bien le cas de dire, il y en a qui se plaignent de graisse. Tenez-vous, moi je n'y tiens plus. Ce café, six hommes qui boivent par là autour, ce régent avec son nez en froid, ça me glace. C'était la vergogne. Je crois bien que je me mettrai à courir pour rentrer. Finis quand même ton verre. Hein. Faut pas être comme ça. Pas chien, hein. Ça viendrait de la goinfrerie. Allez, chassez. Là. Conservation. Et dans 15 jours. À la même heure. Thank you. Ah, tiens, voilà le cric. Salut, cric. Salut, Sadi. Bonjour, monsieur le Reza. Bonsoir, cric. C'est un bon temps, quoi, alors. Oh, que non, je sais que le samedi soir, vous t'agnassez à cette table. J'en jurerais que vous passez le mandat en vue, puis je veux pas déranger le monde. Bon, tu ne déranges pas. Le caviste ne vient pas ce soir, soit disant qu'il est malade. Je l'ai vu le marcher, lui. Mais par Dieu, bien sûr. Il y a beau longtemps qu'il est guéri. Mais tu connais les femmes, quand leur homme est sur le flanc, c'est comme qui dirait fête cantonale avec défilé de tisane. Une golette pour papa, une golette pour la maman. Ça doit y aller au caviste, lui qui aime tant des douceurs. Bon, comme tu sais le train du monde. Les femmes, après une maladie du mari, c'est comme les colonels à la fin d'une guerre. Ça a de la peine à démobiliser. Il m'avait semblé que tu aurais fait quand je suis arrivé. De qui disais-tu du mal? Oh, au contraire. Et de quoi est-ce qu'on causait déjà? Eh bien, vous me parliez du putu. Oh, alors le putu, un top à l'arbalète, celui-là. Ah oui. Je racontais qu'une fois, il avait été bringué par Lausanne avec deux, trois fins de sa sorte, comptoir ou Dieu sait quel autre gars. J'avais vu quand ils étaient rentrés, ils étaient joliment brillés. Et la lune clairait depuis un bon moment, quoi. Seulement, c'était en plein gros travaux. Ça fait quand il se couche à 3 heures, il n'a pas le temps d'en scier un moule d'ici qu'il doit se remettre droit, hein. Comme disait l'autre, quand je me lève le matin, mes bretelles branlent encore sur la chaise. Eh ben, c'est assez ça. Que bref, voilà l'Élise qui te secoue son futur. Et là, dis donc, tu comptes t'y faire la grasse matinée? Il est 4h30 bien sonné. Et là, putu, en se décollant les yeux, il fait 4h30. Oh, il me semblait bien. J'étais justement indécis de me réveiller. Indécis de se réveiller. Ah, ça, c'est vraiment charmant. Oui. Oh, le putu, il a toujours eu des mots à lui. Je sais pas où il va les chercher. Quand il cause, on se croirait qu'on regarde un livre d'images pour les enfants. C'est comme cette fois-là, c'était en plein été. Tout était sec comme des bretelles, et le réservoir était quasiment à goutte. La fontaine crachotait juste pour la façon. On avait soif rien que de la regarder pousser. Et voilà pas que juste comme le putsch passait, arrive un promeneur de la ville. Venait-il des champignons ou d'une piste, enfin du semet. Et comme il sort dans ce car, ruisselant de transpire, la chemise trempée, la veste sur le bras, enfin, il voit la fontaine, et puis le voilà qui se met presque à courir et qui dit sa part au boulot. Hé! Hey! C'était mon putu qui l'appelait. D'autres regardent, refait le boulot. Et là! Arrêtez! Bon, d'ailleurs, on n'y comprend plus rien, il se redresse, et le putu, il fait. Et moi, monsieur, voulez-vous bien ne pas tourmenter ce liquide? On en a grand besoin pour abreuver. Pour les hommes qui l'ajoutent, c'est en face, au lion. Celui-là, tu te rappelles, il avait trouvé à qui parler. Parce que l'autre, ça se trouvait un qui sait lire et qui parle les choses à la bonne. Ça fait que le voilà qui regarde le plus tu et il fait « Merci bien, monsieur. Vous m'avez rendu un fier service. » Car je pense que sans vous, j'étais parti pour m'abîmer une si belle soir, ça aurait été mal fait. L'écoutez, parlez-moi, de compagnie. Ça avait été une de ces lugées, là. Oui. C'est le soir où ils avaient dû atteler pour amener le monsieur à la gare pour le dernier train. Il en était à ce moment où les hommes, quand ils sont rasibus, commencent à s'attardrir sur leurs femmes. Les charmantes, puis gentilles, puis ci, puis ça. Ouais, l'alcool, ça conduit droit aux pires excès. C'est bien quoi de nous? Tiens, le guignol en fait, les hommes. C'était dur possible. C'était joli, il y a qu'on devait avoir vergogne. Oui, mais avoue qu'on finit encore joliment par s'habituer à soi. Pouf, voyons en région. Vous qui connaissez votre géographie, la Suisse, c'est bien placé dans la zone tempérée, oui. Exactement, oui. Ça vient de soi. La vertu, on la respecte bien trop pour la galvauder. Pardine. Un qui se mêlerait d'être parfait du matin au soir, ça serait comme un qui se mettrait une redingote pour gouverner. Ça époirerait les mois de l'or. Et puis ça ferait beaucoup trop de jaloux. Alors, la sagesse, c'est de ne pas se faire remarquer. ni en mal, bien sûr, mais ni en bien non plus, voire trop. Écoute, ça dit que si on arrêtait de faire les petits saints et de se faire des grimaces de pitié, hein, avoue-moi que quand tu es tout seul, que tu as bien mangé, que tu n'as pas trop soif et tout, tu te trouves encore joliment convenable, non? Avoue-le une fois pour voir. Eh bien, bien sûr, je me trouve convenable, alors. Et c'est bel et bien l'essentiel. Quand on a sa conscience pour soi, c'est comme quand on marche sur de la beuse. Ça amortit le bruit des pas. Même des faux pas. Surtout pas des pas. Ça ne fait que pour revenir au plus dessus. On avait une fois bien ri par le village à cause de la fontaine, justement. Il a souvent cette manie quand il revient de la vigne. Il pose sa hotte sur le coin du bassin et puis il va au café. C'est tout près, là, ça arrange tout. Oui, oui, puis comme ça, si la hotte est lourde et belle, est juste à hauteur. Et puis enfin, il y a diverses façons de se servir d'une fontaine. Justement. Seulement un jour, comme il tardait un peu au lion, voilà la bande qui jauble d'y jouer à tout. Il y avait le Bismarck, le Beauvron, Colosse, Dieu sait. Il faut dire que le putschu était arrivé deux jours, mais que la nuit était tombée depuis un bon moment qu'il était encore assis. Il y avait une saucisse qui pressait de manger, il se sera dévoué. Des fois que les chaleurs viennent tôt, c'est une rude vie avec ses saucisses pour ne pas les en perdre. Bref, tant et si bien que quand le putschu se décide à sortir, croyez-moi par là si sa femme avait fini de tricoter. Il arrive, il y avait le Bismarck et le Colosse qui éclairait le bassin et les palois tempêtes. Et puis Beauvron et une autre, je ne sais plus qui te brassait l'eau avec des berclures à haricots. Il te faisait cet ouvrage avec un sérieux de pape. Et juste comme le plus tu arrivais, il entend le Beauvron qui disait, au moins, il n'y a plus d'espoir. Ça fait que le plus tu leur fais, mais est-ce que vous foutez masser avec cette fontaine? Comment, c'est toi, plus tu? Non, t'es monté, c'est le peur tu nous as fait. Peur? Et de quoi? Mais mon pauvre ami, c'est toi qu'on cherchait. On a vu ta hotte là dans le coin, et quoi de plus tu as fait? On s'est dit, ça y est, ils ont voulu boire au boulot, ils l'ont glissé. Et c'est quand même là qu'on voit que la justice n'est pas de ce monde. Le plus tueux, il aurait la binette vermillon, que ça se comprendait encore facilement. Il est en réalité pâle comme un œuf. Oui, oui, ça n'y profite pas, il faut pas. C'est comme ces œufs, pour pas qu'on y met la même mystère qu'aux autres, ils prennent pas la couleur. Vous ne savez pas ce qui lui est arrivé il y a un père de temps. Il est allé consulter, oui. Il gonflait du ventre, des jambes et tout. Ah, il n'est pas brillant. Et vous savez pas ce que le docteur y a trouvé? Ah, Dieu sait. De l'hydropisie. Quand même, c'est docteur. Eh ben, s'il a cette maladie, le docteur ne peut pas y en inventer une autre, uniquement pour y faire plaisir ou quoi? Non, mais c'est une question, comment dire, de tact, de politesse. On ne va pas dire au putschu qu'il a les tripes pleines d'eau. C'est comme si on venait te dire que tu as, je sais pas, moi. Pour lui, c'est une maladie honteuse, quoi. Et qu'est-ce qu'il devait faire, alors? Ben, je sais pas, moi. Cette maladie, il n'avait qu'à y trouver un autre nom, en général. C'est pas ça qui les gêne. En tout cas, il m'a dit, le putschu, j'aimerais mieux crever que de revoir un docteur de ma vie entière. Oh, bien, il ne risque pas grand-chose. C'est un peu comme s'il disait, j'aimerais mieux crever de soif que de rester un mois sans rien voir. Santé, Saint-Dieu. Et conservation. Ah, votre bonne santé, monsieur. Et à la santé du temps vite. Ah, par Dieu, bien sûr. Il est pourtant rudement ce 45. Taisez-vous, quand j'en bois, ça me fait colère. Ça, tu ne dois pas être facile à manier tous les jours, alors dans ce cas... Oui, c'est pour dire. Je suis allé l'autre jour par Lausanne. Forcément, on a vu un père de Pondessy par-ci, par-là. Écrase d'une confiance. J'avais vergogne de venir du vignoble. On a l'air d'être des maniens de vous fabriquer une mystère pareille. Un mélange de vaille fédérale et d'acide pour enlever les taches aux habits et délayer dans de l'armure. Je leur mettrais dans la mitre que les cochons se laisseraient venir à rien plutôt que de s'avaler. Si ça n'avait pas été l'heure de bon train, je crois bien que je me mettais à boire du Coca-Cola. Avec une paille. Mais l'avantage de ce vin, c'est qu'il est bon marché. Ah, ça oui, ouais, ouais, oh là là. Un qui est millionnaire, il arrive facilement à se payer ses 3 fois 3 décis par jour, mais en se serrant un peu sur la nourriture. Oh, tu as le pourquoi? Car je pense que la question n'est plus de savoir si on le vend pur. On se chipote seulement si ça devient malhonnête après 30 ou 40% de coupage. L'honnêteté, au jour d'aujourd'hui, ça se calcule à fond, ça. Alors, ça me rappelle ce qui est arrivé une fois, je vous cause de bien des années en arrière, à un épicier qui avait la spécialité des farines pour les veaux. Il gagnait gros, par Dieu. Maintenant, ça finit par se remarquer que les bestioles qui mangeaient de sa marchandise venaient paralytiques. On a d'abord cru que c'était la mélancolie, vous comprenez. C'était pendant l'autre guerre, au moment où les Allemands gagnaient. On se disait, ça leur donne du noir de s'arruminer à longueur de journée. Après quoi, il a bien fallu voir que ça venait de la farine, ouais. Pour être sûr de pas y perdre, mon gaillard, il mettait de la chaux. Vous savez, la même couleur que la poule aux Alestes. Ça leur mûrait les tripes au veau. Forcément. Du calcium. Du calcium. Oui. Ah, c'est beau d'être instruit, hein, on a toujours un mot pour tout. Ouais. Enfin, que bref, il s'est fait passer, mais ça a fait toute une histoire. Et le plus joli, c'est que moi, j'en causais un jour à un autre commerçant, entre deux verres, quoi, manière de dire. Et l'autre s'indignait comme de juste. Ah, c'est si bien qu'il m'a fait, voyez-vous, c'est toujours l'appât du lucre qui perd le monde. Quand je pense que ce coquin en était venu à mettre du 30% de chaux dans ses farines, s'il s'était contenté d'en mettre 18% comme il convient. Comme il convient. Ça ouvre des horizons. Heureusement que de nos jours, des choses comme ça, ça n'existe plus. Oui, les gens sont quand même devenus plus honnêtes. Il y a ça. Il y a ça. Et puis surtout, la chaux coûte trop cher. Ouais, moi, je crois surtout que ce qui nous gêne, c'est qu'on est resté à la vieille mode. J'y pensais justement hier au soir, en regardant le budget de la commune avec le boursier. Pas fameux, hein? Pas fameux? Pas fameux? Mais au contraire, on est parti pour faire 140 000 francs de body. Hein? Mais parfaitement! Mais je crois que vous confondez, syndic. 140 000 francs de recettes. Voilà, 150 000 de dépenses, ça fait bel et bien 10 000 francs de déficit. Mais justement pas, c'est là que vous raisonnez comme des taborgnaux. Ah, ouais. Et quand on vous écoute, on se croirait au temps de la reine bête. Explique-nous voir ça, du moment que tu as des lumières particulières. Mais naturellement, il n'y a qu'à lire les journaux. Et à les lire avec respect, non pas avec cet esprit critique qui nous empêche de voir où est la vérité. Suppose une minute qu'un canton ou la confédération, peu importe, se trouve avoir un petit revenant bon, une bricole, disons 1 milliard pour clarifier les idées. Eh ben. Bon. Suppose que ce même canton ou cette même confédération ait besoin, pour Dieu sait quoi, d'un fonds de réserve, disons de 2 ou 3 milliards. Oui, et alors? Eh bien, des tas de genouilles de notre sorte. Il prendrait le milliard disponible, puis il le verserait dans le nouveau fonds. En se disant, c'est toujours ça d'acquis. Me semble. Eh bien, mon ami, ça serait aussi bête qu'un qui payerait le 1er janvier tout le liquide qu'il a l'intention de boire dans le courant de l'année. Mais lis les journaux que je te dis. La manière moderne, c'est de ruper le milliard et de se dire que pour la suite, on s'arrangera toujours. Ah, ben ça, c'est un cas théorique, oui, comme tu dis. Ouais. Mais en pratique, pour la commune, le budget se présente comme ça. On va faire des recettes pour 140 000 francs. Bon, primo, je construis le hangar des pompes. Mais alors, du moderne, hein, avec carnotier, dortoir et tout. Bon, 50 000 francs. Il reste 90 000. 30 000 que je distribue aux paysans. Mais oui, Laurent. Mais 30 000 aussi, ben, il faut pas faire de jaloux. Et 10 000 aux réserves, ça y est pas blessé, hein. Un peu juste. Non, disons 15 000, puis n'en parlons plus. Là, total, 75 000. Il me reste 15 000 pour des bricoles. La société de couture. T'as pas de, les femmes ne votent pas, qu'est-ce que j'y gagnerais? Un drapeau pour la société de ça, voilà. Ah, on trouve toujours, quoi. Puis le cantinier. Oui, il n'y dépend. Des dépenses? Ben, montez, on en recausera l'année prochaine, ben, ou une autre. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'avec cette nouvelle méthode, Je me fais assez d'amis pour être sûr de ma réélection à la fin de la législature. Ce qui est après tout le principal. Martine, pour soutenir un syndic de ma sorte, dites-donc, une commune doit quand même bien faire quelques sacrifices ou quoi, hein? Allez, crique que je vois, là, tout est de boirette, là. Santé. On va pourtant pas faire un fond, là, pas trop de mort. Ou bien si tu regrettes le Coca-Cola. Oh, tais-toi. Ça me fait penser que j'ai entendu l'autre jour une jolie manière de causer. Celui de l'histoire, mais perfectionnée. C'est un qui disait, pour le travail qui ne peut, ne peut. Connu, et pour le boire, on se force. Justement pas. Pour le marger, on se force. Et pour le boire, qui refuse, est un fainéant. Ou un malade. En tout cas, un mauvais caractère. Oh, alors, à propos du caractère. Avez-vous connu le Goethe à l'Alfred? Vous parlez bien sûr, et voyons voir, il a eu mort au moins une dizaine d'années. Parfaitement. Il avait été opéré. L'opération avait réussi, mais comme d'habitude, quoi, il ne l'avait pas supporté. Oui, voyons, un de ces gaillards qui en fait tout pour eux, mais ils ne sont pas fichus d'être reconnaissants. Comme les gamins riches, là, ils ont tout pour être instruits, puis ils restent bêtes. Oh, que bref, le jour où on l'a enterré, voilà qui croit que derrière le brancard se trouvent deux gaillards. C'était les tiens des Caïdnais. Ils sont toujours là, l'un et l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils s'aiment beaucoup. Ouais, non. Suffit qu'un dise noir pour que l'autre s'en trouve blanc. Et c'est bien ce qui s'était passé avec Goethe à l'Alfred. Du moment que c'était un copain ou tiens, le Caïdnais ne pouvait pas le sortir. Alors les voilà les deux derrière le but, qui n'emmenait pas tard là, il marche, non. Et le tiet, ça le démangeait, il ne pouvait pas se taire. Ça fait que le voilà qui fait, car mais, monsieur Gut, c'est un bien brave homme. Silence, l'autre ne pipe pas le mot, il insiste. Un bien brave homme que c'était, oui ma foi. Et il regarde le Caïdnais bien en face, que l'autre doit venir sans la vis. Situation difficile. C'est toujours délicat de se mettre à médire d'un départ. Surtout avant de rendre les honneurs. Seulement, mon Caïdnais réfléchit un moment, et puis il se lance. Un bien brave homme qu'il dit. D'accord, mais pas un foutre de plus. Ça dit bien ce que ça veut dire, oui. Qu'on puisse déjà dire autant de nous, ça serait toujours ça de gagner. Et donc, si on allait demander aux mamans ce qu'elles en pensent, hein? Allez, santé. Santé. Le risque n'est encore plus réservé. Une conservation. Et dans 15 jours, à la mémoire.